nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il se charge. Nzambe alata nzoto abomoto Bongwa mikaba loko lambeka Enzoto kulenga Akitina mabele Na mimie na sena kunda Nikolo misato pamba longi Abimi vivon du tumbo Se kuisa kata bakufi Boya yoli kamwa nenge nini Oele ke la yeo Botika na neto la ye Na maloba ya motu ya nangai Ematina mote malelo Talingi na yembe la kayeo Zalaki, obimi singa yo pe singa bomoi Na kina mikuma nanga, na nimi lelo na tatoli yo Yala saka Oh, nkolo Yesu we Oh, zalase ya yo Nkolo Yesu we Sala se ya yo, tu tutatoli yo.